tard, c'est quand tu veux, hein, surtout. Hein. Te dépêche pas, il n'y a personne qui attend, hein, tout va bien. Pff, le gérin. Alors là, le casse con. Ça y est, il casse la gueule, mais c'est pas grave. Donc on vient dans sa mallette. Donc on vient d'écouter Johnny avec les pâquerettes sont partis. Voilà. Donc merde, il y a du vent, c'est pas grave. Donc voilà, donc il est 1h16 du matin, donc on va commencer les débats. Donc sur l'intelligence, on va accueillir Amélie, 19 ans de Montpellier. Bonsoir. Bonsoir Amélie. Bonsoir Amélie. Bonsoir Amélie. Alors là, Amélie. Amélie. Oui. Bonsoir. Bonsoir mon plus simple. Bonsoir. Ouais, t'éteins ta radio s'il te plaît. Ben, elle est éteinte. Oui, c'est bon, c'est bon. Genre. Voilà. On va accueillir Magali, 24 ans de Caen. Bonsoir Magali. Bonsoir Magali. Bonsoir Magali. Alors là, la Magali. Ouais. Ouais. Ouais. Demande si réponse, je t'ai demandé tout à l'heure, t'as pas répondu. Bon, Axel, tu commences à te taire. C'est pas moi, bon, hein. Ouais, Axel, tu fais chier. C'est pas Axel, c'est relou. Non, mais vous avez pas commencé comme ça, parce que sinon vous allez finir au standard vite fait, bien fait. S'il te plaît, Gérard, non. Voilà. On va accueillir Sophie, 21 ans de Reims. Salut, bonsoir. Sophie. Bonsoir, Sophie. Salut, Sophie. Merci pour la radio. Et bonne fête, Gérard. Merci. On va accueillir Philippe, 19 ans, du Vésiné. Salut, Gégé. Bonne fête, Gégé. Merci. On va accueillir Axel. Bonsoir, Axel. De Poitiers. Bonne fête, Gégé. Merci. Bonne fête, Gégé. Ben, ça y est, bonne fête, Gégé. Bonne fête, oh. Arrêtez, laissez pas parler. Voilà, on va accueillir Niels. Niels, salut. Salut, Niels. Salut, Gérard. Bonne fête, Gérard. Merci. Donc le premier débat, c'est sur l'intelligence. Alors la première question. Ouais. Que pensez-vous de l'intelligence? Pour ou contre l'intelligence? Pour ou contre l'intelligence? Alors déjà, vous allez vous calmer parce que sinon ça va aller vite fait. Vous allez passer au standard, mais vite fait, bien fait. Vite fait, bien fait. Bon, vite fait, net. L'intelligence est-il? Il est pas sur les T. Le premier qui commence à faire chier. Gérard, tu es malade. Celui qui veut ma crève, il me le dit. Moi, je lui redonne tout de suite. S'il te plaît, Gérard. Donc, l'intelligence est-il nécessaire pour vous? Moi, Philippe. Oui, Philippe. Ouais. Pourquoi oui? Bonne réponse. Parce que sans l'intelligence, on n'est rien. Réfléchis un peu. Ouais, Gérard. Ouais. L'intelligence, moi, je pense qu'il y a raison. L'intelligence, c'est dans la vie. Si on est con. Non, mais c'est pas si on est con ou autre. Je vous demande si l'intelligence est-il nécessaire pour vous. Oui. Alors, maintenant, oui. Philippe, oui. Tu as dit oui, pourquoi? Pourquoi c'est nécessaire? Oui. Parce que sinon, on vit pas. Mais comment ça, on vit pas? Ah ouais, sans l'intelligence, on pense à rien. Non, mais attends, t'as pas besoin de vivre avec avec l'intelligence. Mais regarde Gérard, c'est ce qu'il fait, par exemple, sur Gérard, par exemple. Bon, d'accord, Philippe, apparemment, je crois que. Bah, je sais pas. T'as pas tellement compris le sens de la question. Gérard, c'est Amélie. Oui, Amélie. Est-ce que tu arrives à vivre avec ton intelligence? Tout à fait. Et comment? Et vas-y, décris-moi ta vie avec ton intelligence. Bah, de toute manière, ma vie, je pense que j'en ai assez parlé sur l'antenne. Hein. Et d'ailleurs, on s'en fout. Hein. Est-ce que tu ne trouves pas que tu es trop intelligent, justement? C'est-à-dire, du quel côté? De tous les côtés, ça. Bah, mais de quoi? Comment ça, de tous les côtés? Dis-moi pourquoi. Tu es trop intelligent. Mais pourquoi? Mais pourquoi? Parce que c'est Sophie, je vais t'expliquer pourquoi on pense que t'es peut-être un petit peu trop intelligent. Ouais, mais parle plus fort, Sophie, s'il te plaît. Tu m'entends mieux, là, comme ça? Ah, oui. Je peux pas faire plus, hein. Parce que justement, tu ne nous comprends pas, Gérard. En général, on est toujours obligé de répéter, donc on se demandait si t'étais pas trop intelligent. Ouais. Toi, en fait, t'es tellement intelligent Regarde, Gérard, je sais pas, il y a quelques mois, t'étais inconnu et tout, t'as fait une montée fulgurante, tu fais de la radio, entend parler de plein de trucs, quoi, je sais pas, de journaux, t'as vu des boîtes de nuit. Ah ouais, t'es tellement intelligent que maintenant on trouve tes cassettes dans le commerce. C'est un film, j'en sais rien, c'est quand même pas donné à tout le monde. Regarde, tu prends les toubifries, c'est pareil quoi. Non mais attends, Sophie. Oui. Sophie, déjà, je vais répondre déjà à ta question. Oui. Bon, celui qui s'amuse à. Tu me dis, ça fait quelques mois. Non, ça fait pas quelques mois, ça fait presque un an maintenant. Non, ça fait 2 ans, quand même. Ouais. Ça fait quand même 2 ans. Non, je voulais pas te vexer, je veux dire. C'est non, mais. Merci pour la radio. Merci pour la radio derrière. Voilà. Voilà, c'est bien. Donc, je préfère prévenir d'une chose que, bon, bah, maintenant, ça fait 2 ans que je tourne avec le Star System. Ouais. Et en 2 ans, bon, bah. Oui, mais je veux dire, ça fait 2 ans que. Mais t'appelais pas aussi régulièrement depuis 1 an, c'est vrai. Tu venais pas animer l'émission, je veux dire. C'est quand même une star, quand même. Hein. C'est quand même une montée fulgurante, il faut le reconnaître, Gérard. Mais c'est bien, je veux dire. J'ai l'impression que t'es vexé, mais c'est bien. Je te félicite, au contraire. Parce que c'est pas donné à tout le monde, je veux dire. Est-ce que tu penses qu'il fait partie du Star System maintenant? Qui c'est qui me pose cette question? Je sais pas, maintenant il travaille avec Max, tout ça, c'est. Oui, ben. T'es un peu là-dedans, non? T'es un peu dans le showbiz maintenant. On s'éloigne un peu de la question. Ouais, non, au contraire, on s'éloigne pas de la question. Je vais répondre. Bon, maintenant, ça fait quand même 2 ans que je tourne avec Max, ça c'est vrai. Top délire. Bon, celui qui s'amuse à faire ça tout à l'heure, il va retourner au standard, ça va aller vite fait. Gérard, on se croirait un peu dans Fan 2 quand même, là. Hein. Ouais. Oui, mais pour l'instant, vous y êtes pas, d'accord? Okay. Mais si, on s'y croirait, hein, je t'assure. Non, ben, dans ce cas-là, si personne veut répondre à la première question, ben. Mais tu l'as pas encore posé, ouais, mais si, je l'ai posé la première question, bah, donc vous allez répondre. Ouais. Vous allez pas me. Non, attendez. Axel, moi je veux répondre. Ouais, vas-y, Axel. Ouais, ben moi. Moi, je dis que l'intelligence est nécessaire, quoi. Que, par exemple, pour répondre à des casses dans les débats, quoi. Mm-hmm. Ouais. Intelligence, hein. Mm-hmm. Ouais, c'est vrai. Gérard, quand t'appelleras pot de chambre, tu sortiras de celui, je crois que t'as calme, quoi. GG. Oui. C'est Philippe, là. Oui. Est-ce que tu pourrais poser tes questions plus facilement pour qu'on comprenne mieux, quoi? Non, mais dans ces cas-là, si t'arrives pas à comprendre, mon pote, c'est pas la peine d'appeler. Non, mais si, mais bon, bah, c'est un peu compliqué, hein. Ah bah, si elles sont compliquées, je suis désolé, moi. C'est parce que c'est trois questions. Moi, les questions, c'est moi qui les paye, c'est pas vous qui les faites. Ah, Gérard, est-ce que c'est vraiment toi qui fais les questions du débat? Sur celle-là, on. Est-ce que parfois tu ne te ferais pas aider? Dans le train, sur celle-là, on l'a fait dans le train avec Max. Les autres, il y en a certaines, c'est sûr qu'on m'aide pour les faire. Tu les fais dans le train avec Max? Comment? Attends, c'est Nice, là, tu les fais dans le train avec Max? On les a faites au retour de Belgique, oui. Pas bravo, hein. Et tu fais quoi encore dans le train avec Max? Mais ça te regarde pas, mon pote. Max, il dort et c'est tout. Okay. Alors, est-ce que Max ronfle? Non. C'est toi qui leur filais la crève? Non, pour l'instant, c'est tout le monde qui a la crève et malheureusement, on peut pas s'en séparer. Donc, si quelqu'un la veut, vous nous le dites. Mais moi, Gérard, ça fait quel effet un verre de bière dans la gueule? Comment? De quoi? Qui c'est qui vient de poser une question qui n'a pas du tout un rapport avec le débat? D'abord, c'est pas de la bière qu'il a bu, mais du Ricard et du café. Non. Voilà. Alors, je vais vous prévenir d'une chose. Comment que ça. Ah, parce que je suis bien, moi. T'as des deals. Qui c'est qu'on se parlait, qui me connaît bien, là? Qui ose parler dans le débat, Gérard. Je sais que t'as bu 2 cafés et 1 Ricard. Et qui c'est qu'on se dise ça? C'est un espion! Mais qui c'est qui ose dire ça? Quelle est la nana qui ose dire ça? C'est Ricky Martin. Ouais, c'est Ricky Martin, d'accord. Eh ben, si vous me faites chier, vous allez voir que vous allez vous en choper plein la nuit. Justement, le débat. Stop. Oui? Bon, alors moi, je pense que l'intelligence, c'est nécessaire. Et d'ailleurs, je la cultive et je mange beaucoup de poissons. Mm-hmm. Je mange du poisson pané, grillé, bouilli. Et je voulais savoir si toi, tu aimais le poisson et si tu pensais que ça rendait intelligent. Tout à fait. Moi, je vais dire, attendez, c'est qui vient de poser ce. C'est Amélie. Amélie, moi je vais te dire une chose. Amélie. Oui. Amélie, moi je vais répondre à ta question. Mm-hmm. Le poisson, je n'aime pas ça. Donc je l'ai déjà assez. Non, attendez. Je l'ai déjà assez dit sur l'antenne que le poisson, je n'aime pas ça. Pourtant, le poisson, ça donne des vitamines, ça je suis d'accord. Mais le poisson ne rend pas intelligent, nuance. Donc, stop. On va pas. Comment? Gérard, c'est Nice, tu préfères la viande, tu préfères la viande d'homme, toi? De manière, c'est pareil que ça soit. Je vois pas le rapport avec. Avec ce qu'on vient de dire. Alors, croyez-vous que certaines personnes sont intelligentes? Tu peux répéter la question? Non, mais attends, je vais pas m'amuser à faire ça toute la soirée. Oui, mais répète-la une fois quand même. Alors, croyez-vous. Gérard, bonne fête. Ouais, bonne fête, Gérard. Bonne fête, Gérard. 3, 4, bonne fête. Bon, Philippe, Axel et Niel. Bonne fête, GG. Non, arrête. Bonne fête, GG. Bonne fête, Gérard. vous êtes quand même assez dur avec Gérard, qui est aujourd'hui malade et qui vient justement pour vous faire son débat à propos de l'intelligence. Donc je demanderais quand même un peu ce que vous soyez un peu plus cool avec le GG quand même, non? Bon, pardon Gérard. Et on lui souhaite bonne fête, on est gentil. Ouais, mais c'est bon. Je voudrais savoir qu'est-ce que t'appelles, toi, l'intelligence. Ouais. Parce que c'est bien de vous dire ce que t'entends dire par intelligence. Je sais même pas ce que c'est, si ça se trouve. Quelle est ta définition d'intelligence? T'as pas le droit au dico, Gérard, hein? Non, mais de toute manière, j'ai pas le dico sous mes yeux, tu vois. Donc l'intelligence... Bon, c'est bon, vous vous calmez, les trois cums, hein. Bah attends, tu parles, ouais, on est chaud, là, hein. Ouais, c'est toujours les garçons, hein. Tout à l'heure, ça va être simple. Au deuxième débat, je vais supprimer les mecs et je vais demander que des nanas qui me payent. Ah non, Gérard, moi je veux qu'il y ait des mecs pendant le débat. Hein. Ah ben, attends, c'est pas toi. C'est pas toi qui décide, la nana, hein. C'est moi quand même. Amélie, moi je préfère qu'il y ait beaucoup de mecs. C'est moi le mec, Gérard. Ouais, mais c'est pas toi qui décide, c'est moi. Non, Amélie, t'as raison, défends-nous un peu. Voilà, bien. Non, mais moi, voilà. Tu es opprimé par Gérard. Mais Gérard. Bon, moi, je voudrais savoir ce que c'est que l'intelligence. Alors, l'intelligence, à ton avis, ça veut dire quoi? Ah non, non, non, c'est à toi qu'on va... Alors, l'intelligence, c'est quelqu'un qui en a dans la tête. Mais qu'il y a quoi dans la tête? Qu'il y a quoi dans la tête? Ouais, me prenez pas pour un con, les trois cums, hein. Gérard, pourquoi? Est-ce que tu te crois intelligent, toi, Gérard? C'est Magali qui pose la question. Donne-nous une raison de te prendre pour un con, Gérard. Moi, franchement, j'en vois aucune. Ah bah, la preuve, si tu me prends pas, tu m'y prends pas, tu m'y laisses pour un con. Non, la preuve, je ne prends pas. T'as tout à fait raison. Donc, vous avez pas commencé à me faire gueuler maintenant. Ok. D'accord. J'ai pas l'intention de m'énerver ce soir. Alors, si vous voulez me forcer, il y en a pas pour longtemps. Okay, donc, Gérard. Amélie. Ok, Gérard. Bonne fête quand même. Bon, ça y est. Il y a Necron sur Minitel qui dit Gérard, si l'intelligence est un défaut, alors tu es le roi de la radio. Voilà. De toute manière, on va y revenir sur les dépôts et tout ça. Donc, apparemment, personne ne veut répondre à la deuxième question. Attendez. Stop! Gérard, Philippe. Voilà. Non, mais. Gérard, je peux répondre. Vous êtes pas marrant. L'intelligence, c'est quand t'as de la réflexion. Exactement. C'est-à-dire? C'est-à-dire, c'est quand tu peux prendre un peu de temps pour réfléchir, mais rapidement, en fait. De toute manière, je vais te dire une chose, que je prends mon temps toute une semaine. Ouais. Hein, et je peux réfléchir sur certains trucs. Comme là, tout à l'heure, je sais pas si vous avez écouté, j'ai réfléchi sur ce que Françoise avait été dire. Ah, mais Françoise, elle était vache avec toi. Ouais, mais ça, de toute manière, ça c'est bon, ça y est, c'est fini, on n'en parle plus. Moi, je dis que Françoise est jalouse de ton succès. Exactement. Non, mais ça, c'est son problème, c'est pas le mien. Moi, de toute manière, je ne suis jaloux de personne. D'accord? Bah oui, c'est pas de te donner la star, toi. Moi, je m'occupe de. Déjà, j'ai déjà du mal à m'occuper de moi-même. Donc, c'est pas pour aller m'occuper des autres. Ok. En de bon entendeur, salut. La télé ou la radio vous rend-elle intelligente? Non. Alors qui non? Moi, Philippe. Alors Philippe, vas-y, pourquoi? La radio ne rend pas intelligente quand on t'écoute, quoi. Et la télé? Et la télé, c'est pareil, c'est superficiel et... Alors attends, Philippe. Philippe. Ouais. Philippe, tu dis non à la radio parce que tu m'écoutes, mais quand je suis pas là, les jeudis soirs, est-ce que tu écoutes toujours Fun Radio? Non, bah non, j'écoute que toi. Ah non, on écoute. Alors donc, apparemment, t'es pas un auditeur fidèle. Je suis un auditeur fidèle. Mais fidèle à toi, Gérard. Et fidèle à toi. Ah, Gérard a quelques problèmes justement avec le succès. Attends, parce qu'il y a la caméra, il y a la caméra qui ne lâche pas. Je t'ai dit non, hein, tout à l'heure. Je t'en prie. T'as pas paradis, t'as qu'une caméra. Bon, alors Philippe. Ouais. Donc apparemment, t'écoutes pas régulièrement Fun Radio, t'écoutes que le jeudi parce qu'il y a les débats. Non, c'est ce que tu viens de dire. Je suis fidèle à toi. Ok. Parce qu'il y a les débats. Parce que, voilà, c'est très intelligent les débats. Ok. D'accord. Axel. Ouais, tu penses que toi, que la télé, ça rend intelligent, franchement, quand on voit tout bifri. Ouais, exactement. Non, mais il y a autre chose que. Non, attends, Axel. Ouais. Axel, il y a autre chose que les tout-buteries. Oui, les émissions. Ah ouais, c'est quoi, d'accord. Ils devraient mettre des documentaires pour montrer comment tu as fait pour arrêter le business. Ils devraient mettre des documentaires pour... Ok. Nils. Attends, Amélie. Je vais poser une question. Oui, Amélie. Je voulais savoir quelle était ton émission de radio préférée, ton émission de télé préférée. Alors, je vais dire une chose. Comment? Qui c'est qui vient de dire Europe 1? Qui c'est qui vient de dire Europe 1? Bande de dégonflés là, les trois mecs. C'est bossé sur Europe 1. C'est pas moi. C'est Gérard, bon, allez, couchez. Allez. Gérard, là c'est ça suffit. Non, parce que Gérard, on m'a dit que tu rêvais de faire une émission sur France Culture. Mmh. Je voulais savoir si c'était vrai. Et qui c'est qui pose cette question? C'est Amélie. Ouais, bah, Amélie, je vais te dire une chose, que tu te trompes complètement. Bah, c'est pas moi, on me l'a dit, hein. Ah ouais, mais on... On, pour moi, c'est des cons. Des cons, d'accord. D'accord. Bon, alors, c'est quoi ton émission de radio préférée à part la tienne? Ah ben, de toute manière, mon émission préférée de radio, c'est Fun Radio et ça, ça, non, ça restera... Non, ça, c'est une radio, c'est pas une émission, Gérard. Non, mon émission préférée, eh ben, c'est... C'est le soir, de 22h à minuit, et même de 20h à 22h, d'écouter... D'écouter les... Non, mais sérieusement, Gérard, on ne demande pas de faire le lèche-cul. Hein. Non, non, mais de toute manière, je ne fais pas le lèche-cul. J'écoute régulièrement Fun Radio. Stop! Tu vas te fermer la main, Gérard. Vous taisez, je réponds à Amélie. L'émission que j'écoute le plus à l'heure actuelle, c'est Le Doc et Max. Ça, c'est normal. D'accord. Ah, bah c'est normal. Ah, t'as tout, là, Gérard. Laurence, Non, non, c'est pas chez moi que ça sonne. Gérard, on pourrait revenir un peu sur le débat, là. Oui. Gérard ? Oui ? C'est Magali, là. Oui, Magali. Est-ce que tu crois, toi, que la télévision aura intelligent ? De quoi ? Est-ce que tu crois que la télévision aura intelligent ? Je te pose la question. Ben, ça dépend ce que tu regardes à la télé. Mais Gérard a regardé Le Gendarme, son mari. Qu'est-ce que tu préfères ? Ben, moi, j'aime bien le dimanche de regarder la 6. Sur Capital ou Zone Interdite, parce qu'il y a certains débats qui il y a certains reportages il y a certains débats qui puissent nous aider dans la vie. Par contre, non mais je vais pas citer tout parce que ça deviendrait trop long. Il y a certains trucs que je peux pas citer malheureusement ce soir parce qu'il est trop tard. Et il y a Ouais, mais il est trop tard, et puis même, c'est pas le thème des débats que je veux faire. D'ailleurs, en parlant de ça, ce serait bien d'y revenir. Voilà. Donc, pour revenir à la question à Magali, donc, je préfère regarder la 6. Ok. Ouais, et déjà, tu regardes les piégeurs. Je vais expliquer un truc. Oui. À la télé, il n'y a que les documentaires qui sont bien, parce que, en fait, l'intelligence, c'est aussi la connaissance. Mm-hmm. La culture. Et donc, les films, c'est rien, c'est superficiel, donc il n'y a rien à apprendre de ça. Mm-hmm. Et donc c'est vrai que t'as raison qu'il n'y a que les documentaires qui sont potables parce qu'on apprend des choses. Mmh. Ouais, voilà. Ok. Donc justement... Stop. Une autre question peut-être, Gérard? Ouais. On va passer à la quatrième. Déjà, pensez-vous... On passe vite. Ah bah oui, ben... On est avec toi, Gérard. Gérard, c'est agréable. Oui, mais c'est bien parce que ce soir... apparemment, vous avez, j'espère que le deuxième, il va se passer comme le premier. Mais oui, le deuxième, c'est intelligent. Voilà. Il y a David sur Minitel qui demande si l'intelligence est le prolongement, je pense que tu es d'accord, si l'intelligence est bien le prolongement de l'hypothalamus sur l'encéphalolo. Moi, je suis d'accord. Hein. Qu'est-ce qu'il veut dire là-dessus, lui? David. Pas tout le temps. Arrête. Pas tout le temps? Pas tout le temps, non. Non, mais attends, David, s'il te plaît, tu essaies d'éclaircir plus ta question parce que je comprends pas trop ta question. Donc, on va revenir au débat. Pensez-vous qu'on puisse faire des cours d'intelligence? Alors, oui, comment, et non, le pourquoi. Donc, je vous laisse réfléchir. Je vous laisse réfléchir. D'accord. Et on va écouter les bourses. Attention, Tu as quoi? Attention, tu as de la morve. Bonsoir à tous, donc c'est la suite des débats, donc 1h43, donc c'était le disque, c'était les bangas avec les petits suisses, donc c'est toujours la suite des débats, donc si vous voulez nous joindre c'est 0800 085 000 et 0803 085 000, toujours le 3615, code Fun Radio, rubrique direct, et j'espère que vous allez vous réveiller sur Minitel, parce que pour l'instant ça n'a pas l'air de marcher beaucoup. Donc on va accueillir Amélie. Vous calmez s'il vous plaît. Vous calmez. Vagale. Allô Gérard. On va accueillir Amélie. Oui Gérard. Toujours là. Merci pour la radio. Vous la baissez s'il vous plaît derrière. Je ne le répète pas 50 fois sinon vous allez au standard. Ça va aller vite fait, bien fait. Ouais. Magali. Ouais. Toujours là. Toujours là. Bonsoir, Magali. Sophie. Oui. Bonsoir. Toujours là. Philippe. 21 ans. Vagal. Oh. Voilà, voilà, merci. Ouais. Oui, insulte-nous, Gérard. Grand fou, va. Oh, on a... oh, pauvre con, si t'es pas content, tu retournes au standard et pétasse. J'aime quand tu es sauvage. Gérard, s'il te plaît, en parlant d'intelligence, je sais pas si traiter quelqu'un de pétasse, c'est vraiment intelligent. Bon, pas vraiment. Oh là là, hé, celui qui s'amuse à mettre la radio, qui a la CB, c'est pas la peine de rester. Oui, sois violent. Philippe. Oui. Rebonsoir. Rebonsoir, Gérard. T'as vu que tout à l'heure, j'ai parlé intelligemment. Ouais, ben, t'as intérêt de te réveiller. Je rappelle sur la télé, là. Axel. Bon, tais-toi, Philippe, s'il te plaît. Bonsoir, Axel. Axel, rebonsoir. Et Niels. Ouais, ben, c'est bon, on va pas coucher sur ma pète, hein. Bon, ok, on va... Justement. On va... Bah toi. Oui. On va revenir au débat. Non, mais attendez, débat. Attendez. Attends, mais moi je suis ta gazelle. Ouais. On va revenir au débat. Non, t'es pas ma gazelle, attends. Mais si, mais si, mais si, mais si. Gérard, sur Minital, il y a Baltrin qui te demande un truc. Je pense que tu vas pouvoir répondre. GG, penses-tu que l'intelligence parallélise la pensée mentale? Bonne question. Ah, très bonne question. Alors, faut que je réfléchisse. T'auras la réponse tout à l'heure. Menteur, va. Menteur, oh. Attends, là, il sait même pas quoi répondre, là. Bon, la réponse maintenant, tout de suite, ouais. Gérard, il veut la réponse maintenant. Alors, sans plus allez, attendre. Bon, c'est bon, t'arrêtes ta caméra, t'arrêtes, s'il te plaît. Gérard, attends, attends, ta caméra, ok. Allez, va, réponds avec Gérard. De manière, bon Gérard, s'il te plaît, le débat. Les enfants se calment un petit peu. On écoute Gérard au sujet de l'intelligence, donc, s'il vous plaît. C'est pensez-vous que l'on puisse faire des cours d'intelligence? Alors, oui, comment et non, pourquoi? Alors, Axel, non, mais attendez. Axel. Non, pour l'instant, Axel, tu vas te taire, s'il te plaît. Ouais. On va demander à Magali, tiens. Ouais. Comme on ne l'a pas entendu beaucoup, parce que si tu dors, Magali, tu vas aller au standard vite fait. Hein. Mais non, ok, alors Magali, tu dors, alors Axel. Voilà, Magali. Alors, des cours d'intelligence, non. C'est con comme question, carrément, ouais. Bon, alors, si. Hey, c'est, non, t'es... c'est pas que c'est con, mais bon, les cours d'intelligence, non, bon, ça c'est. Eh ben, t'as qu'à les faire, les questions, elles sont cons. Non, mais attendez, Magali. Ouais. Est-ce qu'il y a quelqu'un derrière toi qui te souffle? Non, il y a du monde, là. Il y a du monde derrière. J'ai l'impression qu'il y a du monde. J'ai entendu du monde derrière toi. Non, Magali, t'exagères. Bon, alors, Magali. Non, je suis toute seule. Merci. Bon, alors, Magali, tu vas au standard, si tu vas voir si j'y suis. Mais non. Tu vas voir si j'y suis, tu t'amuses avec le téléphone, tu vas voir si j'y suis. Tu vas voir si j'y suis. Tu vas voir si j'y suis. Bonne année, Magali. Amélie. T'es gonflé, hein, Magali, quand même. Amélie. T'as aucun rapport, Gérard. Amélie. Oui. À ton tour. Ben, moi, je pense que l'intelligence, c'est quand même un peu de la science-fiction pour toi. Non, mais attends. Eh, vous arrêtez avec le bordel derrière ou sinon j'arrête tout, là. Non, Gérard, c'est bien répétonné. Alors, Magali. Amélie, pardon. Oui. Je répète ta question. Oui. Pensez-vous qu'on puisse faire des cours d'intelligence? Si oui, pourquoi? Sinon, si oui, comment? Et le non, pourquoi? Bah, si on a un prof comme Gérard, c'est pas. Non, c'est pas à toi que je m'adresse, c'est à Amélie, s'il te plaît. Ouais, on t'a pas appelé pour question, c'est que peut-être Gérard, tu veux me donner des cours. Une question, alors, c'est quand tu veux, hein. Bon, hein? Alors, le mec qui s'amuse avec un téléphone, hein, il arrête, sinon il va au standard. Justement, en parlant de standard, nous accueillons une nouvelle personne, Stéphanie, 22 ans, d'Alençon. Bonsoir Stéphanie. Salut Stéphanie. Salut Stéphanie. Salut Stéphanie. Ouais, Stéphanie. Alors, attends, moi les fouilles, j'ai perdu dans mes fils. Donc, alors, Stéphanie qui a 22 ans et qui habite à Alençon, tes mensurations, s'il te plaît. Eh, hey, ta gueule, toi, c'est pas toi qui. Eh, hey, c'est pas toi qui dois dire tes mensurations. Tu fermes ta gueule. Bon, Stéphanie. Stéphanie, à la place de qui? À la place de Magali que tu as viré. Mmh. Dans ces cas-là, tu me prends les trois gugus, là, parce qu'il y en a un qui s'amuse avec le téléphone et puis la radio. Mais donc, oui, bien sûr. Et n'importe quoi. Non, mais vous allez vous calmer, donc... T'entends des voix, hein, Gérard. Ouais, donc, Stéphanie, alors maintenant, Amélie. Amélie, s'il te plaît, tu réponds à la question. Et moi, je vais répondre à une question. Des cours d'intelligence, bah écoute, non, je pense pas, voilà. Ouais, mais pourquoi non? Bah parce que je pense pas que ce soit possible, l'intelligence c'est quelque chose qu'on a à la naissance, et c'était payé pour le savoir, quoi, je veux dire. D'accord. C'est qui la... C'est Sophie. Sophie. Ouais, moi je pense qu'on peut donner des cours d'intelligence. Bah j'ai deux Sophie. ça, non? Il y a Sophie, Stéphanie. Stéphanie, t'as pas Stéphanie. Si tu faisais des fiches comme moi, bah t'arriverais à suivre. Oh, ta bouche à toi, Médor, je t'ai pas appelé. Non, non, moi, bon, appelé, alors, moi, Sophie. Non, j'ai un chien, mais il s'appelle pas Médor non plus. Bon, mais pour l'instant, je t'ai pas appelé pour ton nom. Sophie, s'il te plaît, tu réponds à la question. Mais j'aimerais bien, j'essaye, là. Bon, bah alors, vas-y, Sophie. Allez, Sophie, réponds à la question, là. Bon, moi, je... Ouais, regarde les mecs, y'a pas derrière. Oh oui, insulte-nous. Tiens, moi, j'ai entendu la radio, viens ici. Bon, là, je sens que tout à l'heure, ça va aller vite fait, le débat, et je vais conclure à la cinquième, si vous me faites chier. Continue ton débat sur l'intelligence, Gérard, s'il te plaît. Voilà. Sophie. Mais oui. Que je peux en passer une. Ta gueule, pas. Bah oui, mais écoute, j'arrive pas à parler. Bah, attends, tu la fermes. Ok. Bon, ça y est, toi. Ah. Attends, c'est bon. Gérard donne donc une consigne au caméraman. Ouais. Alors Sophie, maintenant, s'il te plaît, tu réponds. Oui, je suis pour les cours d'intelligence. Alors pourquoi? Pourquoi? Bah parce que c'est utile. C'est-à-dire? Bah, c'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de gens intelligents, non? Peut-être que tu es bien d'accord avec moi quand même. Je veux dire, tu vois, on a besoin de gens intelligents. Mm-hmm. Tu vois? Alors ce serait bien. Bon, je crois que le plus difficile, c'est quand même de trouver des profs, parce que c'est pas évident, hein. Parce que comment non, savoir des profs, il n'y en a pas. Bah, si tu apprends l'intelligence à quelqu'un, tu lui apprends comment? Faut bien quelqu'un pour lui expliquer comment être intelligent. Il faut que le prof soit intelligent, sinon ça marche pas. Et ben voilà. D'accord. Mais c'est la vie, Gérard, je suis pour. Tu vois, écoute-moi, oui, Gérard. Tout maintenant, avec les progrès de la technologie, il y a des magnétoscopes, il y a tout ça. On pourrait enregistrer, je sais pas moi, des émissions comme Capital. Voilà. Ça, quoi. Tu sais, les trucs de Oui. Tu les passes en boucle, je veux dire, ça rend intelligent, tu l'as dit toi-même, c'est une bonne idée. Ah, d'accord. C'est Gérard qui a eu l'idée en plus. Bah exactement. Oh là là. Gérard, mais c'est pas dit. Ouais, non, je trouve pas qu'il y a. Non, faut pas de cours d'intelligence. Bon, y est, on y est pas, quoi. Stéphanie, j'ai pas encore eu tes mensurations. Ta gueule, toi. Ça fait 10 minutes que t'es là, et. Non, mais attends. Non, mais je trouve que. Qu'est-ce qui se passe? Non. Bon, Gérard, tu t'occupes un peu de nous, là. Ouais, attends, j'ai Gérard. Bon, Stéphanie. J'ai pas vu parler. On n'entend pas Stéphanie, un problème. Stéphanie, je t'entends pas du tout. On n'apprend pas. Stéphanie, tu fais combien de poitrines? Stéphanie, c'est pas timide, tu là. Tu veux. Non, je disais, on n'apprend pas. Qu'est-ce qui se passe un peu? Hein, on en était où, Gérard? On l'entend pas. Et toi, on entend pour l'intelligence. Et donc? Stéphanie, on entend très mal, c'est ça? Je disais que les cours d'intelligence, non, ça peut pas exister. On est intelligent, on y est pas. Attends, c'est qui là qui parle? C'est qui parle? Stéphanie. Ah, ça y est, tu parles un peu plus fort quand même derrière ton combiné. Ok. Justement, excusez-moi de vous interrompre, nous accueillons donc un nouvel auditeur puisque un autre vient de s'en aller, donc nous accueillons. Bonsoir, Gérard. Salut, Caramel. Bonsoir. Salut, c'est Caramel. Salut, Caramel. Ouais, Caramel. Salut, Gérard. Ah, et dégage avec ta caméra. Ah, la premier geste dégage. De violence avec là, Gérard dégage, et le caméraman qui vient de donc gifler le caméraman. Bon, Gérard, tu peux retourner un peu sur le débat là parce que là. Et l'intelligence, s'il te plaît. Ça ne m'intéresse pas. Attendez, laissez Gérard poser ses questions là. Gérard. Bon, Caramel, tu commences à la fermer. Gérard, speak une joke. Bonsoir, Gérard. C'est Caramel. Pour répondre à une question, les gens seraient bien, quoi. Bonne fête, Gérard. Ouais, bonne fête, Gérard. Joyeux Noël. Ça y est. Bonne fête, Gérard. Arrête. Joyeux Noël. Ouais. Joyeux Noël et va te faire enculer. Bonsoir, tout le monde. Bonne année. Putain, je sens que le débat, je vais l'arrêter vite fait, bien fait. Justement, Gérard. Bon, Caramel, tu la fermes. Gérard, je peux répondre à tes questions? Bon, tu te dépêches. Alors, moi, je viens d'arriver, pose ta première question. Non, mais attends, Caramel, tu vas pas me casser les couilles, hein. Bon, Gérard, là, c'est Nice, tu voulais répondre à une question et en poser une autre. Alors, pour ou contre l'intelligence, c'est ça? Ouais, c'est ça. On a déjà répondu, ça, Caramel. Bon, Caramel, bonne nuit. Rappel la semaine prochaine. Bon, Gérard. Ah bah attends, je viens d'arriver. Bon Gérard, t'es où là? Allô? Gérard, tu pourrais nous poser une question, n'importe laquelle. Pensez-vous que l'intelligence se place dans la mémoire? Arrête de faire la tête, Gérard, ne fais pas l'enfant. C'est pas professionnel ce que tu fais là, Gérard. Pensez-vous que l'intelligence se perd comme la mémoire? Gérard, j'ai pas. Caramel, tu fermes ta gueule! Taisez-vous, écoutez. On t'écoute, Gérard. Alors, Caramel, tu dégages, allez, bonne nuit. Hop. Non, attends, Gérard, je vais pas virer Caramel parce que Caramel n'a rien fait. Pour l'instant, il me fait comme la semaine dernière, il comprend rien. Gérard, c'est Amélie, je vois pas pourquoi tu engueules encore Caramel qui n'a rien fait. C'est ton souffre-douleur à chaque fois, c'est une. Voilà, c'est vrai. Pensez-vous que l'intelligence je sais pas, Gérard. Se perd comme la mémoire. C'est Caramel, non. Bon, Caramel, que je m'adresse. Moi, je dis Gérard, tu te fais du mal, là. Mais j'ai pas répondu aux premières questions. Oh là là là là là là là. Axel, moi je veux bien répondre. Bon, faites un effort, essayez quand même de répondre aux questions de Gérard. Axel, moi je veux bien répondre. Je peux faire, moi, depuis le début. Amélie, tu réponds, s'il te plaît. Oui, tu pourrais répéter la question. Je préférerais que ça soit Sophie, d'abord. Et moi, tout à l'heure, ça va être personne, vous allez tous dégager. Ouais, ben, hein. Alors, tu veux d'abord, ben, tu veux te calmer, hein. Bah, justement, pour le prochain, ils dégageront tous, mais là, pour l'instant... Voilà. Alors, Massan... Magali, répond à la question de Gérard. Pour l'instant, c'est pas toi qui pose des questions, Magali, c'est moi. C'est moi qui pose des questions, c'est moi qui dis à qui je demande. Voilà, ouais. Ok. Alors, Amélie, tu réponds, s'il te plaît. Tu pourrais reposer la question, je l'ai pas entendu, Gérard. Pensez-vous que l'intelligence se perd comme la mémoire? Non, ça se perd pas. Bon, je veux dire une chose. On se calme. Oh là là là. Du calme, les amis, du calme. Attendez, Gérard, tu remets ton casque. Gérard, te dépêche, alors. C'est de la radio. Allez, et tu réponds et tu leur dis de se taire. Bon, alors, pose un ultimatum, sinon. Vas-y. Bon, Caramel, tu la fermes. Philippe, tu la fermes. Et Axel, tu la fermes. Est-ce que je peux péter quand même? Tu la fermes. C'est pas à toi que je m'adresse. D'accord. Amélie, tu réponds, s'il te plaît. Amélie, tu réponds. Est-ce qu'on a le droit de respirer? Oh là là, vous allez vous la fermer. Arrête de gueuler. Bon, mais arrête, putain, tu me pètes les tympans. Si t'es pas content, tu dégages. Taisez-vous, laissez parler Amélie. Oui, je répondrai à la question si tu la poses gentiment. Pensez-vous que l'intelligence se perd comme la mémoire? Alors, oh là là, moi, personnellement, vous êtes sourd, hein? Allô? Faut faire court, hein? Bon, moi, Amélie! Bon, d'accord, je peux pas parler, c'est bon, je parle pas, voilà. Bah, Amélie, s'il te plaît, tu réponds. Non, j'ai pas envie. Bon, tu vas pas répondre? Non, je veux pas répondre. Eh bien, dans ces cas-là, tu retournes au standard, bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit, Amélie. Bonne nuit, Gérard. Moi, j'ai une question à poser. Bonne nuit, Amélie. Bonne nuit, Amélie. Bonne nuit, Amélie. Bonne nuit, Amélie. Bonne nuit, Amélie. Bonne nuit, Amélie. Bonne nuit, Amélie. Bonne nuit, Amélie. Bonne nuit, Amélie. Bonne nuit, Amélie. Bonne nuit, Amélie. Bonne fête, Gérard. Bonne fête, Gérard. Bonne fête. Gérard. Du calme, les amis, du calme. Bon, Stéphanie, s'il te plaît, tu réponds. Stéphanie. Non, moi, je trouve pas que si t'as la... T'as l'intelligence, bon, tu la perds pas automatiquement. Bah oui, tu l'as déjà. Je suis pas d'accord. Caramel, pour l'instant, tu te tais, c'est pas toi que je m'adresse. Caramel, tu te tais, c'est pas toi que je m'adresse. Caramel, tu te tais, c'est pas toi que je m'adresse. Caramel. Et d'ailleurs, nous avons une nouvelle auditrice, Gérard. Je profite de ce petit moment de calme pour t'apporter Delphine, 19 ans de Paris. Bonsoir, Delphine. Salut, Delphine. Bonsoir, tout le monde. Bonsoir. Salut. Bonne fête, Gérard. Merci. Bon, moi, Caramel, maintenant, tu vas répondre à la question. Je te la répète pas, comme t'as une grande gueule. Maintenant, tu vas répondre. Et moi, oui, je suis pour les cours de l'intelligence. Non, mais attends, comment? Mais non, c'est pas ça. Putain, mais il est con, celui-là, ou quoi? Bah ouais, il est comme toi. Gérard, moi, je... Et avec un con comme moi, on s'amuse avec un con comme toi, on se fait chier. Oui, ok. On demande un salut. Voilà, bravo. Ouais. Ouais, alors, on place qui, l'autre Question Minitel, parce que là, alors, justement, sur Minitel, il y a Baltrin, Gérard, tu m'écoutes? Gérard, il y a Baltrin qui te demande si la duperie de l'intelligence biaise-t-elle la gouaille de l'esprit. C'est quoi ça? Je vois pas le rapport avec le débat sur l'intelligence, je vois pas du tout sa question. Pourtant, on est en plein dedans. L'intelligence biaise la gouaille de l'esprit. C'est le fondement du problème. Hein, ouais, d'accord. Alors, Gérard? Gérard, réponds. Ouais, bon, ben... Ma réponse, Gérard. Allô? Ouais. C'est Caramel, je peux répondre? Ouais, Caramel, tu commences à me les gonfler sérieusement, toi, maintenant. Hein. Gérard, mais tu peux pas répondre à la question Minitel, quand même. Vous commencez à me les gonfler. Bon, allez, hop. Êtes-vous intelligent dans la vie, allez, hop. Delphine. Bon, allez, Caramel. Bon, Gégé. Oui. Caramel, tu la fermes. Gérard, Caramel, tu la fermes. Philippe, tu la fermes. Axel, vous la fermez. répondre aux questions quand même. Pour l'instant, c'est pas à vous que je m'adresse. Delphine. Oui. Êtes-vous intelligent dans la vie? Le c'est la question. Je pense que tu peux la tutoyer. Moi, ça me ferait plaisir que tu me tutoies, Gérard, quand même. Est-ce que tu es intelligente dans la vie? Eh ben, va gueule, les mecs! Dans la vie. Oh, quand je vous appellerai pas de somme, vous sortirez de sous le lit! Alors Delphine, s'il te plaît. R, le D. Delphine. Gérard, j'ai une question. C'est non, c'est bon. Quand même, Delphine. Viens-moi les mecs là. Bon Gérard, moi je pense que la seule personne intelligente ici c'est toi. Non. Oh là, je me prosterne devant ta grandeur. Les mecs, vous vous fermez vos gueules, vous retournez au standard. Je pose. Vous fermez vos gueules. Oh ta gueule, toi, va te faire enculer, connard. Dans ce cas, tu me reprends les 3 mètres, tu leur dis qu'ils se calment. Eh ben, c'est plus d'intelligence, Gérard. C'est fait, mais attends, Gérard, on peut répondre à tes questions, moi, je n'ai toujours pas répondu. Vous commencez à me les gonfler. C'est le bordel. Allez, stop. Gérard, répète la dernière question, ensuite on fait une conclusion. Gérard, tu te fais respecter un peu. Bon, toi, tu dégages. C'est caramel. Tu dégages. Tu poses un. Tu dégages! Non, vous êtes odieux avec Gérard, vraiment. Maintenant, tu dégages. Gérard, Bon, caramel, tu la fermes. Philippe, tu la fermes. Axel, tu la fermes. Voilà. Toi, final à la ligne. Maintenant, je pose la question à Delphine. Pourquoi c'est toujours les garçons qui doivent se la fermer? Les filles. Parce que. C'est vrai qu'on vous la fermez. Non, on a le droit de parler. Delphine, s'il te plaît, tu te réveilles. La ferme des Ah, pardon. Oh, tu te réveilles, s'il te plaît. Mais je chantais, Gérard. Non, mais tu chantes pas, pour l'instant, tu réponds à la question. Bon, c'est Caramel. Bon, Caramel, tu la fermes. Elle a déjà répondu. Et pourquoi je peux jamais répondre aux questions? Parce que tu comprends pas. Mais je comprends pas. Bah, pose-moi une question. Attends, sans arrêt, t'es en train de me dire. Ah, ouais, mais c'est quoi la question? Abruti, allez, hop. Pose-moi la question. Allez, va te coucher. Je suis un peu avec Gérard, quoi. Merde, c'est ça. Bon, Delphine. Alors là, Gérard, ok. Alors, Stéphanie. J'ai répondu aussi. Ah bah, c'est bizarre, je t'ai pas entendu. Ah bah si, tout à l'heure, j'ai répondu. Mais oui, elle a répondu. J'arrive pas. Mais Caramel, il a pas répondu. Sophie. Les mecs n'ont pas répondu. Sophie. Caramel. Oui. Là, c'est Nils, il a pas répondu. J'aimerais bien répondre. Sophie, s'il te plaît. Mais je suis là, Gérard. Tu réponds. À quelle question t'en as voilà. À la 6. Êtes-vous intelligent, oui ou non? Non. Moi, je sais, moi, je réponds. Je réponds, moi. Alors vas-y. Ah ben putain, bon, d'abord j'aurais une question à poser. Une question à poser. Et puis moi voilà. Alors, écoute, moi j'ai un plan. Écoutez-moi tous. Eh, vous la fermez, vous m'écoutez. Alors Gérard, penses-tu que ça... Eh, la ferme Gérard, arrête de te siffler maintenant. Vraiment Gérard, eh, merci écoute, Gérard, beaucoup. J'ai une question très sérieuse, l'intelligence. Moi je te souffle, si je peux, tu, franchement... Hé, ta gueule. Toi le mec avec Christine, tu dégages, bonne nuit. Salut. C'était Caramel. Eh ben Caramel, tu dégages. Et Philippe, tu dégages. Axel, vous dégagez. Et Nils, vous dégagez. Bonne nuit. Rien dit. Bon, Tony, tu te calmes. Bonne nuit, vous dégagez tous les trois. Alors maintenant, je reste avec les nanas. Pour une fois. Ça va être bien, alors. Hein. Et alors, pour vous, l'intelligence est-elle une qualité ou un défaut? C'est Delphine. Encore? Oui. L'intelligence, c'est une qualité, évidemment, bien sûr. C'est une question très con, tu vois, ce que tu viens de poser. Voilà, et donc, voilà. Ouais, c'est une qualité. D'accord. Stéphanie, pour toi? Ouais, moi je dis que c'est une qualité aussi. Mais pourquoi? Il faut être intelligent, donc... Mais pas forcément... C'est une qualité quand même, mais pas forcément vrai ce que vous dites. Hein. Enfin, à part ça dépend, parce que bon, tu peux être quelqu'un de très intelligent et de con aussi à la fois. Attendez. Oui, si on est trop intelligent... Non, c'est pas ça que je veux dire. Non, mais de manière... Je vais vous répondre. Quelqu'un peut être intelligent et bête. Non, mais c'est Sophie, je voudrais juste dire quelque chose. Oui, Sophie. Finalement, quelqu'un qui est intelligent, tu vois, Gérard, c'est quelqu'un qui réfléchit énormément. Qui se prend la tête. Est-ce que le gars qui est bête n'est pas plus heureux parce qu'il n'a pas de problème, finalement, il se prend pas la tête? Bah voilà, est-ce que ce serait pas plus mal? Donc c'était le plus intelligent. Sophie. Oui. De manière, je vais te répondre, de manière, qu'on ait des problèmes ou pas, de manière, c'est pas parce qu'on a des problèmes qu'on n'est pas intelligent dans la vie. Non, c'est pas ça que je dis. Mais c'est bien Gérard. Que vous soulignez. Oui. Est-ce que je peux terminer quand même? Oui, vas-y, Sophie. Non, je vais juste demander à Gérard s'il se prenait la tête, lui. Bah, la preuve, t'as bien vu, j'ai viré les mecs et je reste plus qu'avec vous. Donc bah, voilà, peut-être c'est intelligent, t'as refusé de te prendre la tête, voilà. T'as fait le bon choix. Donc finalement, est-ce que refuser de se prendre la tête, c'est pas être intelligent? Donc finalement, le gars, enfin, tu vois, en fait, c'est vachement profond tout ça. D'accord. Ok. Où sont les mecs? Les mecs, il n'y en a plus pour l'instant, c'est comme ça et c'est tout. Franchement, les nanas, être seule avec Gérard, c'est quand même le pied. C'est pas une chance qu'on a tous les jours et je crois que c'est bien d'en profiter. Voilà. Profitez-en bien. Profitez-en bien jusqu'à au moins 4h du matin. Et justement, Gérard, il faut mieux en profiter, ta conclusion. Ouais, non, mais on n'a pas fini, on va compter. On est entre nous, je veux dire, on est tous les quatre. Alors là, comme il y a quand même deux filles au standard. Il y a la crapette et puis je pense que... C'est la crapette bis. L'autre, merde, je me souviens même plus de son nom, c'est... Cyril, non, c'est pas ça. C'est... C'est Philippe. Merde, je sais même plus son nom. Je sais même plus son nom. C'est la deuxième fille. C'en est une qui fait... C'en est une qui fait le standard avec... qui faisait le stand... Karine. Ah, c'est Karine. Voilà, c'est Karine qui est à côté de la crapette. Alors, pensez-vous qu'une femme soit intelligente pour être avec un homme? Alors, attendez, avant de répondre, les trois filles, attendez, Delphine, oui. Stéphanie et Sophie, je vais demander à Karine de répondre à cette question, si elle veut bien répondre. Tu peux me la répéter, Gérard, ta question? Alors, pensez-vous qu'une femme soit intelligente pour être avec un homme? Bah, je pense qu'une femme est aussi intelligente d'être avec un homme avec une femme. Non, Gérard. Attendez. Tu n'es pas d'accord avec ça, Gérard? Je veux être obsédée. Et là, ça te fait un enchaînement super pour ton débat d'après. Non, mais ça... Non, mais quand même. Donc je suis d'accord avec ce que tu viens de dire. Maintenant, on va demander à la crapette. La crapette, si elle veut répondre, si elle veut pas me répondre, tant pis. Hein. Ben justement, Gérard, je suis carrément à la bourre, donc je peux pas te répondre. Donc, d'accord. Donc, Delphine. Ouais. Ben, je pense qu'une femme, avec ou sans homme, peut être intelligente. Et avec un homme, elle est intelligente. Et sans homme, elle est intelligente. Ça dépend des hommes. Hein, voilà. Enfin, c'est pas parce qu'elle est avec toi, elle sera moins intelligente. Mais vous commencez à me prendre la tête. Oui, bah toi aussi tu me prends la tête, alors je vais te dire. Alors si t'es pas content, mon pote. Non, je suis pas content. Et bah dans ces cas, tu raccroches ton téléphone et tu dégages. Non, mais attends, un peu de respect, va. Gérard. Bon, tu poses un ultimatum, Gérard. Gérard, on ne peut pas faire de censure, donc c'est toi qui dirige ton émission. Donc on fait la conclusion. On fait la conclusion. C'est con, il est 2h10 du matin, je pense qu'à 3h je vais arrêter. Bonne fête Gérard. Ça y est, t'as fini tes conneries? Alors maintenant la conclusion. On se calme, ta gueule. Gérard est pas capable, c'est Caramel. Tu pourrais être poli. Très bien, Caramel, on se calme. Caramel, on se calme. C'est Caramel qui vous le demande que Gérard est pas capable. C'est Caramel le chef. Voilà, c'est Caramel le chef. Pour l'instant, c'est pas lui le chef, c'est moi qui commande. La conclusion. Alors, la conclusion, on va commencer par les filles. Qui veut commencer? Non, on va commencer par les mecs. Alors, les filles, voilà, qui veut commencer? Comment bon, alors c'est bien. Alors, si tu veux respecter, fais arrêter cette musique. Bon, Olivier, s'il te plaît, tu t'envoies le disque, je ferai la conclusion après. Non, Gérard, on n'envoie pas le disque. On n'envoie pas le disque. Je peux pas, Gérard. Mais fais-toi respecter un peu. Tu poses un ultimatum, tu fais un truc. Voilà, tu fais ta conclusion, on verra pas le disque. Caramel, comme t'as une si grande gueule, tu vas faire ta conclusion. Alors, c'est les filles d'abord. Non, c'est toi pour l'instant. Alors, j'ai pas répondu aux questions d'abord. Eh ben, si t'as pas répondu, ta conclusion, c'est que t'en as rien à foutre. Non, pas du tout, c'est que tu poses pas les questions aux gens qui viennent au débat. Eh ben, non, dans ces cas-là, bonne nuit, Caramel. Hop! Bonne nuit, à chaque fois, ça fait, la semaine dernière, tu m'as fait le même coup, tu me demandais sans arrêt les mêmes questions. Alors maintenant, bonne nuit. Bonne nuit. Gérard, c'est Delphine. Delphine. Oui, moi je voulais dire que Caramel n'avait pas répondu à la question 1, à la question 3, à la question 5. Exact. Non mais attends, Delphine. Exact. Delphine. Oui. Delphine, je vais dire une chose. Bon, Celui qui rentre, tu dégages. Okay, voilà. Merci. C'est Delphine. Gérard, tu pourrais te retenir. Delphine, je te préviens tout de suite que s'il n'a pas répondu à la question 1, 3 et 5, comme tu dis, il n'arrête pas sans arrêt. Il n'arrête pas sans arrêt. Il ne connaît rien. Alors, à la conclusion, vous le faites. Vite fait, bien fait. Moi, je suis pour. Moi, je te laisse pour d'intelligence. Moi, je suis Magali. Caramel, il faut que tu arrêtes parce que tu vas te faire jeter après. Hein, ça va être fini. Non, non, mais Caramel, maintenant, il dégage. Je veux pas dans le deuxième débat. Ça va être terminé, Caramel. Caramel, bonne nuit. Caramel, il va intervenir. Au revoir. Caramel, tu dégages. Caramel, je ne te veux pas dans le deuxième débat. Je ne te veux pas dans le deuxième débat. C'est un ultimatum, Gérard. Je ne te veux pas dans le deuxième débat, je veux que des nanas. Moi, je voulais parler des obsédés. Eh ben, t'as un obsédé comme toi, j'en suis un tous les matins. Alors, bonne nuit, Caramel. Je suis con, des obsédés. Va te faire foutre. Va te faire foutre toi-même, espèce d'enculé. Avec les gens qui t'emmerdent, connard. Justement, Gérard, je passe un moment une bonne preuve d'intelligence. C'est bon, on envoie le disque. Non, c'est Gérard, conclusion. Gérard, je peux pas le faire. On ne peut pas. Pas envoyer le disque, Gérard. Il faut que d'abord tu fasses ta conclusion. Delphine, ta conclusion sur le débat. Delphine. Oui, ma conclusion sur l'intelligence, ben, c'est que l'intelligence, on l'a vu ce soir à chaque instant et que c'est très émouvant. Gérard. Donc, voilà. Et je pense quand même que Caramel devrait répondre à la question 1, 3, 5 et 5, 10, donc. Non, mais Delphine, je vais te dire une chose. Magali, oui. Je Delphine. Oui. Delphine, je vais te dire une chose, que si Caramel, il écoutait un peu plus les questions, il pourrait peut-être répondre. Parce que sans arrêt, il me dit, qu'est-ce que c'est la question? Alors, il n'a pas à répondre. Si c'est parce que c'est un débat, c'est pas de ma faute. Hein, c'est toutes les semaines qu'il me fait le coup. Alors maintenant, Caramel, c'est en de bon entendeur, salut, je veux plus l'avoir dans mes débats. Voilà. J'essaye même pas d'être gentil avec lui. Non, mais je veux pas le savoir. C'est tout, c'est clair et net. Bon, Stéphanie. La conclusion, s'il vous plaît. Stéphanie. Oui. Alors pour moi, l'intelligence est essentielle quand même, parce que sans intelligence, c'est rien. Voilà. Et pourquoi? Simplement. Parce que tu peux rien faire si t'es pas intelligent. D'accord. Je pense que même tout le monde a de l'intelligence quand même, même si c'est peu. On est tous intelligents quand même. D'accord. Sophie? Oui, ben moi, je trouve qu'on a quand même fait pas mal le tour de la question ce soir. Ça, c'est vrai. Bon, je tiens quand même à te remercier pour cette bonne idée, parce que c'est vrai que tu vois, c'est un sujet comme ça, on n'y aurait pas pensé. Et puis on voit que voilà quoi, ça donne plein d'ouvertures sur le monde. Enfin, je veux dire, c'était vraiment intéressant. Il y a beaucoup de travail derrière. Et voilà, exactement. Et je crois qu'on devrait faire ce genre de choses de plus en plus souvent à la radio, parce que c'est une mission éducative. Voilà. Des vrais débats sérieux et construits. Et un jour j'ai des enfants, toi, j'ai branché sur Fun, sur tes débats, ça c'est clair. Bah voilà. D'accord. Donc. Et merci Gérard. Il n'y a pas de quoi, c'est gratuit. En plus, t'es malade, c'est ta fête, et tu nous trouves un sujet super. Je crois qu'on devrait tous t'applaudir vraiment. Ouais. Après moi, 3, 4. Bonne fête Gérard. Allez, Nancy. Non, mais c'est bon. Ça, on verra ça. On fait une émission et on verra si sur le deuxième débat ça se passe comme sur le premier, on verra. Donc. Oui. Stéphanie, et toi, ta conclusion, c'est quoi? Moi, ma conclusion. Attends, d'abord nous, Gérard. Attends, on a fini, les mecs, là. Ouais. Bah, allez-y. Il reste quand même deux mecs. Allez-y, les mecs. Allez, c'est Nils, j'ai fait. Ouais, vas-y. Voilà, moi, je pense que l'intelligence, c'est bien. Ça vaut mieux en avoir que pas en avoir. J'ai une question à te poser. Attends, je vais demander. Penses-tu que c'est intelligent de passer par l'intermédiaire d'un Belge pour vendre tes cassettes? Alors là, je vais te dire une chose. Oui. Nils, je vais te répondre. Oui, vas-y. Tu vois, la question que tu viens de me poser, je vais te dire une chose, que Nils, tu permets, je réponds à ta question. Parce qu'il est vrai, c'est quand même assez intelligent de passer par un intermédiaire pour vendre des cassettes, comme ça tu te mouilles pas, quoi. Toi, il y a un problème. Nils, je vais te dire une chose, que le mec, Nils, tu t'occupes pas des transports. Nils. Oui, je t'écoute, ma couille, vas-y. Ouais, ma couille, tu la fermes, s'il te plaît. Ouais. Alors, Nils, je vais te dire une chose, que le mec qui s'amuse à vendre des cassettes sur moi, qui habite en Belgique, n'a même pas été capable de venir à la soirée de Brême-le-Comte. Il t'a même pas filé les bénéfices? Non, on l'a même pas vu. En devant un entendeur, salut pour celui-là, et c'est pas la peine qu'il s'amuse à me faire chier. Bon, ok. Alors, Axel, moi. Non, Axel, attends, ta conclusion. C'est bon, Nils. Ça y est, Nils, c'est bon. Axel. Ouais, donc, alors, je voulais dire que le sujet de débat ce soir, c'était excellent, quoi. Intelligent, c'était pas trop mal. T'as pas mal assuré, sauf que t'as un petit peu gueulé sur les bords, quand même. Bah, ça... Un petit peu, quand même, hein. Ça, fallait pas me forcer. Bon, normalement, d'habitude, les premiers débats, je ne gueule pas, mais là, vous m'avez forcé, donc j'étais forcé. Vous forcé, hein, quand même. Non, presque pas. Non, non, il a mal à la gorge, soyez gentil un petit peu. Bonne chance avec Henri, quand même. Oh là là, à cause Attends, qui c'est qui vient de poser, qui c'est qui vient de sortir cette question, là? Ah, c'est Axel. Ouais, bah, Axel, je vais te dire une chose, qu'avec Henri, c'est un copain que je connais. Bon, de toute façon, on va pas dire ce qui se passe à l'antenne. Hein. C'est beau l'amitié, Gérard. D'accord. Donc, il faut mieux avoir un ami que pas du tout. Et ok. En devant l'entendeur, salut Axel. Gérard. Salut Axel. Oui. On ne dira pas que vous allez tous les deux à la boîte le Fuck Boys. Comment, quoi? Qui c'est que. Philippe? Gérard. Qui c'est? Axel. Mais Axel, c'est bon. Non, mais je voulais te poser une question. Dépêche-toi. Bah alors, je voulais te dire une chose. Dans tous les cas, c'est qui l'a préféré. C'est bon, Axel, bonne nuit. Ouais. Et ta conclusion, Gérard? Voilà, ta conclusion. Donc, bah non, il nous reste Philippe, je crois, non? Il est parti. Il est parti, bah c'est bien. Donc, moi, ma conclusion. Donc, ma conclusion. C'est que ben le premier débat d'habitude, j'avais pas l'habitude de pousser mes guédantes comme je l'ai poussé, mais là ce soir on m'a forcé. C'est pas gentil. Donc si on me force à pousser encore plus, je vais commencer à gueuler plus fort sur le deuxième. Pousser et là ceux qu'on les Wattman dans les oreilles ont intérêt de les retirer. Ouais. Parce que ça risque de cartonner sur le deuxième. Donc les quoi dans les oreilles? Les Wattman. D'accord. Les Wattman, ils ont intérêt de les retirer, parce que sinon, ça va, ils vont avoir mal au tympan. Oreilles, hein. Donc, au deuxième débat, je ne veux pas les mêmes. C'est clair et net. À part les trois nanas, à part une qui s'est un petit peu endormie sur les... Voilà, laquelle, Gérard? Des noms. Bah, je sais pas, parce que... Un petit peu de délation, hein, Gérard, allez. Ben, je sais pas, tu vois ça au standard, tu essayes de me réveiller un peu les trois filles là. Comme je peux rien faire pour la réveiller moi. Hein. Après c'est un débat sur toi, c'est ça? Non, après c'est un débat sur les hommes obsédés. Ouais, c'est pas intéressant comme débat. Ouais, ben, bon, et de toute manière, les mecs qui viennent de passer, c'est pas la peine. Je ne veux vous. Ah merde, d'accord. D'accord, vous m'avez compris. Gérard, oui. Est-ce que Stéphanie, là, j'espère que t'as les bonnes questions pour le deuxième débat. Parce que c'est quand même intéressant. Ah bah si tu veux participer jusqu'au bout, il n'y a pas de problème. Ah bah il n'y a pas de problème, ouais. Bon bah, t'as pu répondre quand même à toutes les questions. Ah bah oui, j'ai répondu à toutes les questions, moi. J'espère que tu vas te réveiller un peu plus. Ah bah je suis réveillée, j'arrête pas de parler, parce que je dis pas mon nom à chaque fois. Ouais bah, faudrait peut-être donner ton nom le plus souvent possible. Ah ouais, t'entends pas, est-ce que tout le monde respecte? Non bah attends, je te respecte. Ouais, c'est bon. Hé, Dominique, qui c'est qu'on va écouter? Non. Notre Gérard rit grâce à ses poèmes. Et c'est qui ce clown qui s'amuse à mettre sa musique? Bah écoute, justement, moi j'arrive pas à voir parce que je peux pas voir sur mon écran donc qui met quoi. Donc c'est peut-être aussi une fille. Celui qui vient de mettre la musique. Oh, je voudrais poser.